peine occupée. La tantine, ça l'est précieux. Faites attention, faut pas bousculer. Alors, arrête ta palie. On va s'aller crier les chéris.